Bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est Fou, FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, qui seront consacrées à une rétrospective des albums de rock progressif qui ont marqué les six premiers mois de 2025. Je rappelle que durant cette période, plus de 600 albums ont été produits, et que l'échantillon qu'on va entendre aujourd'hui, mais il n'en contient que 11, ce qui veut dire qu'il y aurait eu de la place pour plusieurs autres albums, mais le temps restreint nous oblige à choisir les meilleures fraises des meilleurs paniers. Et aujourd'hui, on va entendre Population 2 du Québec, Stephen Wilson d'Angleterre, Bjorn Riss de Pologne, Rick Miller du Canada, Nuova Era d'Italie, Riverside de Pologne, Pattern Seeking Animals des États-Unis, Karmakanik de Suède, Naxatras de la Grèce, Oak de la Norvège, et on va conclure avec IQ d'Angleterre. Alors, je débute l'émission avec une nouveauté qui nous vient du Québec. Il s'agit du groupe Population 2 qui nous a présenté Maintenant ou Jamais. Ça, c'est un album qui est paru fin mars et duquel j'ai extrait deux pièces. Et ces deux pièces seront suivies d'un extrait de Overview. Ça, c'est le plus récent album de Stephen Wilson, qui lui est paru en mars de cette année. Alors, on débute ça avec Population 2. Thank you. beyond 1 megameter. 10^6. Ganymede. Callisto. Wolf 359. Size beyond 1 gigameter. 10^9. Sirius. Altair. Vega. Polaris. Size beyond 1 terameter. 10^12. Antares. Pistol Star. Betelgeuse. Size beyond 1 petameter. 10^15. Stingray Nebula. Ring Nebula. Helix Nebula. The Spire. Hourglass Nebula. Size beyond 1 exameter. 10^18. Omega Centauri. Messier 54. Tarantula Nebula. Size beyond 1 zetameter. 10^21. Milky Way. Andromeda Galaxy. Fornax Cluster. Size beyond 1 yocometer. 10^24. Virgo Supercluster. Eridanus Supervoid. Supercluster Complex. have no history, and the sea feels no sorrow. The oxygen recycled, and the atoms are just borrowed. The pilot's and fragility. Is this real? Is this a dream? There's no reason for any of this. It's just a beautiful ability. Yeah. size beyond one centimeter. 10 to the power of 21. Milky Way. Andromeda Galaxy. Fornax Cluster. Size beyond one yupa meter. 10 to the power of 24. Virgo Supercluster. Eridanus Supervoid. Supercluster Complex. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones. C'est une émission estivale consacrée aux meilleurs albums de rock progressif qui sont sortis durant les 6 premiers mois de 2025. Et pour débuter ce deuxième segment, on aura le guitariste polonais Björn Rist, qu'on connaît aussi comme membre de la formation Airbag. Il nous a présenté en avril son cinquième album studio intitulé Film Bull Winter. Et ça sera suivi, pour rester dans la même veine, la même ambiance, on aura le musicien multi-instrumentiste canadien Rick Miller avec un extrait de l'album Perspective qui lui est paru en avril. Je rappelle que c'est son 19e album en carrière. Ensuite, pour conclure le segment, on ira en Italie avec la formation Nuova Era, qu'on a surtout connue dans les années 80, mais qui nous revient cette année avec un sixième album en carrière intitulé Legge Sotto ai Mari. Mais on débute ça avec Björn Rist de la Pologne. Every time I feel alone, every time the sun is down, when I feel it's coming on, control, she's always here for me. She's always here for me.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones. C'est une émission estivale consacrée aux meilleurs albums de rock progressif qui sont sortis durant les 6 premiers mois de 2025. On débute le troisième segment d'émission avec un enregistrement en spectacle. C'est l'album ID de Riverside qui a été mis en spectacle et l'album live est paru en janvier de cette année. Alors on en aura un extrait et ce sera suivi du groupe américain Pattern Seeking Animals qui ont lancé en février Friend of All Creatures. Ça c'est leur cinquième album en carrière. Et on va conclure ce troisième bloc de l'émission avec Carmakanic de Suède et un extrait de Transmutation paru en mars. I chop down again from a star on a desert island full of scars, and I saw a boy looking up, dreaming of his future from my past, from my past. Soon I drew an ocean, tamed the sun, and I plunged my feet into the sand. Bit by bit I came to understand how I missed this freedom and the swoosh of waves. Come follow, we'll go down where the river flows. One day just you and I will find a bridge to the neverland. Frightened of a thousand hats, bouncing off the answers, losing pride, had a fear of failure and true love. But I don't regret now, I'm what I lost. Come, come, you go down where the river flows. Ah, one day you and I will find a bridge to another land. Oh, come, come, you go down where the river flows. Ah, one day just you and I will find a bridge to the never.

where the secrets hide and hearts retreat. The neon lights are bright and bold, guiding me a world untold. The stars above, they gleam so bright, casting shadows in the pale moonlight. They hear my friend and stories old, the truth will soon unfold. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. And it's all you will see. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. And it's all you will see. I took the train beneath the light. There were people smiling, some had a fight. With faces passing, not to the same. We play our parts again. I saw a man in a tailored suit, chasing life and gold, his dreams en route. In this crowded train's daily commute, the truth will soon. Oh, Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale estivale de Rock de Neurones. C'est une émission consacrée aux meilleurs albums de rock progressif sortis lors des 6 premiers mois de 2025. Et nous sommes rendus au 4e et dernier segment de l'émission. Et on va commencer ça avec la formation grecque Naxatras et un extrait tiré de leur plus récent album intitulé Celestial Gaze. Cet album-là est paru en février. Je rappelle que c'est leur 5e album en carrière et je considère que c'est le plus mature qui nous a été donné d'entendre à date. Ensuite, je vous propose un extrait du nouvel album de la formation norvégienne Oak. Et on va conclure cette émission avec les Britanniques IQ, qui nous ont livré en mars leur 13e album studio en carrière, et l'album est intitulé Dominion. Thank you. Oh,

What if my dreams were fading? Would I remember everything? Never in life would your soul leave me. Waited until I wasn't there. Stay and find your way. With your hand in mine, and you're not here alone. All the hours I was with you, right by your side, with the time escaping us, ever knowing I tried to reach you, to be there where you need to be. Always in my heart, and you're not far from here. Vous venez d'entendre la formation britannique IQ avec la pièce Far From Here, extraite de leur album Dominion qui est paru en mars de cette année. Alors ça met fin à la portion musicale de l'émission d'aujourd'hui qui, je rappelle, a été consacrée à une rétrospective des meilleurs albums de rock progressif parus durant les 6 premiers mois de 2025. Alors j'espère que vous avez apprécié la programmation de l'émission d'aujourd'hui. Et c'est Jimmy Farley qui vous invite à surveiller la page Facebook de l'émission pour connaître la date de la prochaine émission spéciale estivale de 2025. Alors bon été!